Deuxième partie, chapitre 7, l'honneur et l'amour. Le lendemain, vers les 10 heures du matin, Jean achevait de donner ses instructions aux deux amis qu'il avait choisis pour ses témoins, un ancien camarade de l'école des Beaux-Arts, architecte comme lui, et un général d'artillerie qui avait connu et aimé son père. Malgré leurs observations, et bien qu'il eût la qualité d'offensé, il insista pour que le choix des armes fût laissé au comte. Il en fut de même pour l'heure et le lieu de la rencontre. « Ces conditions seront les miennes, » dit-il avec la fermeté d'une décision que rien ne pourrait changer. « Monsieur de Charmeuse a des droits que je tiens à lui laisser. » Et comme ils esquissaient un geste de muette interrogation, « Oui, je l'ai insulté, jadis, avant mon départ pour l'Amérique. La scène d'hier n'est que l'épilogue d'une histoire déjà vieille. » En réalité, c'est lui qui est l'offensé. Trop généreux, grommela le général. Mauvais quand il s'agit de sa peau. Les deux témoins se retirèrent, désolés de l'entêtement de leur client. Jean demeura seul. Il écrivit quelques courbillers, puis il rédigea un testament qu'il cacheta et plaça dans un tiroir. Enfin, il commença une longue lettre adressée à Adrienne. Il voulait répandre là son cœur, donner de suprêmes conseils à la femme adorée, lui indiquer comment il concevait sa vie à elle lorsqu'il ne serait plus là, et comment il eût voulu que fût élevée sa fille, cet enfant qu'il ne connaissait pas, et à laquelle il ne pouvait songer sans un long et douloureux frémissement. Mais les mots ne lui venaient pas. Il ne trouvait pas sous sa plume les caresses dont il rêvait d'envelopper l'adorée, les consolations exquises qui lui emplissaient l'âme et qu'il n'arrivait pas à formuler. Il se leva, alla jusqu'à la haute baie vitrée qui donnait sur le jardin de l'hôtel. Toute la mélancolie de l'hiver parisien passa un instant dans sa vision. Les branches grêles des arbustes, tremblant au souffle de la bise, tandis que de pâles rayons de soleil jetaient sur les allées les charpes roses de leur lumière voilée, la verdure sombre des plantes rares tenant tête au froid, des pierrots sautillant parmi les plates-bandes avec leurs cris aigres de petits affamés. Oui, tout vivait, le jardin respirait. Au loin, Paris grondait dans la géhenne infinie de ses plaisirs et de ses labeurs. La terre ne s'effondrait pas. Son deuil atroce lui apparut alors plus poignant dans sa majestueuse indifférence des choses. Il s'accota du coude à une vitre et, la tête cachée dans une main, il pleura. « Adrienne, murmura-t-il, Adrienne, mon bonheur, ma vie, ma mort. » Une petite main se posa sur son épaule. Il se retourna. Avec un indicible tressaut du cœur, Adrienne était là. Adrienne, qui avait imposé silence au valet, violé toutes les consignes et pénétré jusqu'à lui, impérieuse, exigeant qu'il ne fût pas prévenu. Adrienne, arrivée à pied, visage découvert, reconnue par 20 personnes sur l'avenue, affirmant aux yeux de Paris l'incomparable éclat de sa tendresse. Il lui prit les deux mains. Ils se regardèrent, extasiés, ravis de se retrouver tels que jadis, à leur premier rendez-vous, oubliant les années de séparation, le mariage et le malheur suspendus sur leur tête. Ils n'eurent pas besoin de s'enlacer, d'unir leurs lèvres tremblantes. L'étreinte du regard suffit à leur chaste passion, délivrée des misères de l'amour humain, dans cette solennelle et rayonnante minute où leurs âmes se donnèrent l'une à l'autre pour l'éternité. « Tu vois, balbutia-t-elle, je t'avais promis de venir. Je suis venue. » Il fit un effort, lâcha ses mains. « Tu pensais à moi, n'est-ce pas » reprit-elle, avec cette câlinerie d'intonation qui jette l'homme le plus fort aux pieds de la femme qu'il aime. Il résista, fit oui de la tête, simplement, et, très grave, il dit « Adrienne, il faut rentrer chez ton père. »« Méchant, » susurra-t-elle dans un soupir d'ineffable ivresse, « pourquoi me renvoies-tu? Laisse-moi te voir, te contempler, mon Jean, il y a si longtemps, c'est toi. » dire que c'est toi. Adrienne, supplia-t-il, je t'assure, il ne faut pas que tu restes ici. Le ton de ses paroles la frappa. Brusquement, elle revint à la réalité. « Oh oui, gémit-elle, je me souviens. Malheureuse. Oh, malheureuse. Que veux-tu dire ? » s'écria-t-il frémissant, devinant qu'une dernière catastrophe l'attendait. À son tour, elle lui saisit la main. « Jean, tu vas te battre avec lui !» cria-t-elle. « Tu sais cela ? Tu sais ? Oh, voilà ce que je redoutais. Il m'a tout dit. Lui ? C'est lui qui... Mais cet homme est donc un misérable !» Il s'abattit sur un fauteuil et de loin, comme les mystiques parlent à la Madone qu'ils adorent, « Mon pauvre ange, cette douleur t'était donc réservée, hélas. Pourquoi ne suis-je pas restée là-bas ? Tu aurais peut-être fini par m'oublier. Tu aurais conquis la paix du cœur. J'apparais, et c'est pour te déchirer, pour voir pleurer tes yeux adorés, pour t'ouvrir la porte des enfers de désespoir. Moi qui, pour te savoir heureuse, mourais avec tant de joie, moi qui voulais t'aimer à genoux, baiser la trace de tes pas, te faire une existence radieuse, te rendre l'égale des reines, moi qui rêvais de te dresser un autel où je t'aurais montré au monde ravi dans la gloire de ta beauté, ou mieux, qui voulait te porter dans mon cœur, dans l'éternel balbutiement de ma tendresse, dans l'idolâtrie d'un amour sans fin. » Elle s'était lentement approchée, ses genoux fléchissaient, elle buvait les paroles éperdues de son amant. « Jean, dit-elle avec une infinie douceur, tu ne te battras pas. » Il se leva, palpitant, voulut reculer. Elle le saisit, jeta ses deux bras à son cou, colla sa tête sur son épaule, plongea dans ses yeux son regard où brillait la pure flamme de l'amour. « Non, tu ne te battras pas, » continua-t-elle sur ce ton de suave mélodie qui était le chant de sa tendresse. « Écoute, nous partirons, ce soir, demain, quand tu voudras. Nous partirons avec notre enfant. Tu vas la voir, on va te l'amener. » Nous irons bien loin, nous vivrons ignorés, sans nom si tu veux, qu'avons-nous besoin d'un nom ? Nous nous appelons l'amour. Adrienne ? Que me proposes-tu ? Ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est vrai. Tu veux que je fuie ? Tu veux que Paris ? Le monde tout entier crie dans mon dos que je suis un lâche. Elle eut une superbe révolte. Paris, Paris, je le hais et je le méprise. Paris, le mensonge et l'hypocrisie, les femmes perverses et les hommes lâches, un monde de fausseté, un abîme d'ignominie. Et c'est pour cela que tu veux me sacrifier, Jean ? Que nous importe Paris ? Que nous importe ce que diront derrière nous les affolés d'envie ? Est-ce que tu les entendras, Jean ? Est-ce que tu écouteras d'autres voix que la mienne ? Oh, viens, Jean, partons, fuyons le cloaque où mon père lui-même n'a pu me donner l'illusion d'un sentiment pur de tout calcul. Nous emportons avec nous notre joie, notre vie, notre amour. Que laisseras-tu à Paris ? « Rien ? J'y laisserai mon honneur ? » éclata-t-il dans un sanglot. « Adrienne, demande-moi de me tuer à tes pieds, demande-moi le sacrifice de ma vie et de mon cœur, mais laisse-moi ce qui fait qu'un homme a le droit de marcher le front haut, l'honneur. De quel front oserais-je te regarder ? Et qui sait si plus tard, au hasard d'une rencontre, tu ne sentirais pas à tes joues la rougeur de la honte lorsque le murmure d'un passant t'apporterait le mot terrible qui me suivrait jusqu'à la mort et au-delà. Jean Robin est un lâche. Dans quel coin de terre pourrais-je cacher mon humiliation? Si loin que j'aille, ô Adrienne, j'entendrai la clameur réprobatrice, et je veux, tu entends, mon épouse idolâtrée, je veux que tu demeures fière de moi, mort ou vivant. Elle écoutait, morne, désespérée, tout lui prouvait que Jean ne céderait pas. Elle eut cette parole d'insondable amertume. Les hommes ne savent pas aimer. Adrienne, ma bien-aimée, Dieu m'est témoin que je ne sacrifie pas ton amour à un faux point d'honneur mondain. Je veux que tu puisses venir pleurer sur ma tombe si je meurs et que nul n'ait le droit de sourire de ton deuil. Et si je vis, je veux que tu puisses me rencontrer sans rougir. Adrienne, c'est à toi que je songe, à toi seule, puisque la fatale rencontre est inéluctable. Va, je t'en supplie, laisse-moi les dernières forces qui me restent. J'en avais pas dit ces dernières paroles que pour donner un faible espoir à Adrienne. En réalité, il était décidé à ne pas défendre sa vie. C'était sa suprême ressource. Blessé par le comte, son honneur était sauf, et peut-être pourrait-il espérer encore. S'il répandait, au contraire, le sang du mari, il creusait pour toujours un fossé que rien ne pourrait combler. Le suprême espoir de Jean résidait tout entier, maintenant, dans une possible maladresse du comte. Quant à sa générosité, l'homme qui avait pu infliger à Adrienne la formidable torture de ce duel annoncé d'avance, le tuerait s'il le pouvait. Et lui, plein de vie, débordant d'activité, avec dans le cœur l'infini trésor de son amour accumulé, il lui faudrait attendre le coup d'épée ou la balle, regarder venir la mort, le sourire aux lèvres, sans un battement de cils. Un douloureux soupir lui échappa. Adrienne leva les bras vers lui avec une lueur d'espoir, mais il secoua la tête. C'était irrévocable, et ils ne se dirent plus rien. Elle eut seulement dans les yeux une flamme d'orgueilleuse admiration à le voir si fort, si beau, si mal. Jean fut secoué d'un long tressaillement d'ivresse. Ce regard était la plus magnifique des récompenses. Il pouvait mourir. Alors, doucement, dans un geste d'infinie pitié et de suprême amour, il l'enveloppa toute, la conduisit jusqu'à la porte. Elle ne résistait plus. Une langueur morbide lui venait, elle consentait au sacrifice. Ils étaient les fiancés de la mort, voilà tout. Car elle mourait, en même temps que lui, ensemble, ils s'envoleraient dans les régions de l'au-delà. Et lorsqu'après la dernière étreinte où leurs corps et leurs âmes vibrèrent un instant dans le coup d'aile de leur passion, il s'inclina en murmurant devant les vallées rigides « Adieu, madame !» Elle put répondre, avec un sourire presque mystique, « Non, au revoir, Jean !»